viens jouer du Pushka. Handek, ça sent la touche car le son des couches tard. Des mecs sous Sky qui mettent la Pushka. La fesse elle me stresse, balaye au M7. Même si ton équipe est plus bizarre que le MS13. Ça sent la touche dès que t'entends clic. En bas ton gomme con acheté 60 euros à clic clic. Quand y'a les keufs, j'cours comme Forest. J'veux ma part du steak, y'a pas moyen, j'graille au reste. La Scar des blocs qui boit du Sky en bloc. Tu peux rien faire à part m'insulter sur mon Skyblock. Faut pas que je me laisse aller, sinon c'est niqué. J'suis cramé comme trois têtes de facho dans un scénique. C'est les races, c'est une tête d'arabe, une tête d'espagnol. Avec ta meuf et pas le canard, dehors marche pas comme un pingouin. Ça sent la douille parce que ce putain de monde part en 7-6. Dans mon 9-1, cherche pas la merde ou on va te chier dessus. Qui ça sent la douille? T'inquiète, dans mon chargeur j'ai plein de balles. Pique, ça sent la douille. Ouais, dealer si t'as pas le mental. Qui ça sent la douille? Dans les parages, y'a trop de crainte, balle. Pique, ça sent la douille. Tout garde pas que t'as pas de mental. Qui ça sent la douille? On vient tout faire péter sans grenade. Sauf pique, ça sent la douille. Tu veux rentrer dans l'engrenage. Qui ça sent la douille? Parce que les MC sont trop nards. Sauf pique, ça sent la douille. Tu dois brouiller avec un grenade. J'ai le droit trop développé, moi je prédis un mauvais présage. Une odeur de fumée qui s'abat sur le paysage. Sauf pique, Balthazar, quand je touche, je vois l'atmosphère. Ici les rayons UV ont attrapé le cancer. Aujourd'hui les tourbillons posent sur les cartes postales. Les rats de marée sont jaloux, ceux pas là tous en cause. À la vitesse où ça va, je vais connaître un tremblement de terre. Je pourrais dire que j'aurais vu l'enfer avant comment. On aperçoit sur les terres endormies des éruptions volcaniques. Même un voisin d'en face habillé en noir, esprit satanique. Ça sent la douille, cousin, si t'as pas le mental, tu peux te canner. Et si t'as pas ton diplôme, ne pleure pas, tu peux le scanner. Qui sert, ça sent la douille, y'a plus aucune tradition pour nous. J'ai quitté les jeunes, ont même accès au flip porno. Avec une bite dans la bouche, va parler de mariage aux internautes. Si t'es conscient de tout ça, comment tu peux marcher la tête haute? Qui sert, ça sent la douille? T'inquiète, dans mon chargeur, j'ai plein de balles. Sauf pique, ça sent la douille. Ouais, dealer, si t'as pas le mental. Qui sert, ça sent la douille? Dans les parages, y'a trop de crainte, pas. Sauf pique, ça sent la douille. Tu te gardes pas que t'as pas de mental. Qui sert, ça sent la douille? On vient tout faire péter sans grenade. Sauf pique, ça sent la douille. Tu veux rentrer dans l'engrenage. Qui sert, ça sent la douille? Parce que les MC sont trop nards. Sauf pique, ça sent la douille. Tu dois brouiller avec un grenade. Ça sent la douille. Mon putain de flow, c'est un aigreux, un accro de la rime. J'écris toute la night, gros. Me fais pas de big cheese, ton rap plus comme les bitches. Arrête de jouer les cheese, t'es qu'une grosse bitches. Ça sent l'artillerie lourde, rien que ça redoute, coûte que coûte. On est partout, même dans les plans partout. Trop de bâtards ici, obligé de se salir les mains. Ça sent la douille, au pic, faut pas laisser de témoins. Ça sent la douille fumée, gros, là-bas du braco. Anarchie au sniper, point rouge sur le front à Sarko. La politique hitlérienne revient malgré tout ce qu'on peut dire. Y'a des nazis cachés, des supports, t'as qu'à m'applaudir. Ça sent la douille comme mon daron veut me corriger. J'entends, ferme ta gueule, même à 23 t'es pas encouragé. J'suis pas découragé, pourtant t'es mal, tes corps est taché. J'ai du mal à penser propre car mon esprit est taché. Qui sert, ça sent la douille? T'inquiète, dans mon chargeur j'ai plein de balles. Pique, ça sent la douille. Ouais, dealer si t'as pas le mental. Qui sert, ça sent la douille? Dans les parages y'a trop de crainte, balle. Pique, ça sent la douille. Tu te gardes pas que t'as pas de mental. Qui sert, ça sent la douille? On vient tout faire péter sans grenade. Pique, ça sent la douille. Tu veux rentrer dans l'engrenage? Qui sert, ça sent la douille? Parce que les MC sont trop nards. Pique, ça sent la douille. Tu dois brouiller avec un grenade.